Je sais tout. C'est vrai. Comme les ancêtres, les chatbots. Et particulièrement l'un des plus connus, ChatGPT. Trois pas en avant, un coup d'œil dans le rétro, une pincée de science-fiction. Détour vers le futur, le podcast qui vous invite à rencontrer des scientifiques pour parler de la société d'aujourd'hui et de demain. Retrouvez-nous sur le site internet du Quai des Savoirs et sur toutes les plateformes d'écoute. La science CQFD, Natacha Trioux. La 29e session de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, s'est tenue à Kingston, en Jamaïque. L'objectif est de poser un cadre légal sur l'exploitation minière sous-marine. Quel en serait l'impact environnemental ? Avait déjà rêvé de mines au fond des océans. Pour l'instant, aucune exploitation n'a encore été menée. Il n'y a pas de protocole minier en haute mer. Mais face à la pénurie en minerais et des ressources terrestres qui se raréfient, les gisements de métaux océaniques apparaissent comme une solution pour les industriels. Côté scientifique, l'inquiétude prédomine. Les abysses sont des zones particulièrement inconnues, fragiles, et les eaux profondes ne sont pas déconnectées du reste de l'océan. Minage sous-marin, une erreur abyssale. Nadine Lebrise, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure à Sorbonne Université, à l'Institut de Systématique, Évolution, Biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle. Et Pierre-Antoine Descendier, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en écologie benthique au laboratoire Environnement Profond à l'Ifremer à Brest. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez nous suivre sur les ondes, mais aussi sur le web, sur franceculture.fr, mais aussi sur Twitter, sur X, sur notre fil @CQFD, avec notre live tweet qui commence tout de suite. Alors, quelles sont les ressources en minerais cachées au plus profond des océans ? Pourquoi sont-elles intéressantes pour les industriels ? Et le sont-elles vraiment ? Où en est le développement des technologies d'extraction ? Et comment cette exploitation de minerais pourrait impacter les écosystèmes marins ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec la présentation d'une de ces nouvelles pépites. Les nodules, c'est notre archive du jour, nous sommes en 1977. Il y a l'air d'y avoir maintenant un nouveau mot magique en ce qui concerne la mer, ce sont les nodules. Qu'est-ce que c'est que ces petits trucs-là ? Les nodules font beaucoup parler d'eux, et c'est assez normal parce qu'ils représentent une richesse absolument fabuleuse. Ce sont des espèces de petites pommes de terre ou des petites truffes noires. C'est pas très spectaculaire, ça ressemble un petit peu à des boulets de charbon. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils contiennent. Car outre le manganèse et le fer, ils contiennent du cuivre, du nickel, du cobalt, enfin tout minerai noble et très convoité par les différents pays du monde. Et puis surtout, ils se trouvent disposés sur les grandes plaines abyssales du Pacifique, notamment. Et l'évaluation qu'on a pu en faire nous conduit à des chiffres de l'ordre de plusieurs centaines de milliards de tonnes. C'est-à-dire que pour les minerais en question, ce sont des réserves qui sont là, disponibles, il n'y a qu'à aller les chercher, et qui représentent pour certains 10 fois, pour d'autres 100 fois et même 1000 fois les réserves continentales connues. Alors c'est évidemment l'un des éléments qui a commencé de bouleverser ce qu'on appelle le nouvel ordre économique mondial, et c'est au fond, il faut pas se leurrer, ce sont bien ces raisons, d'une part le pétrole marin, d'autre part, ces fameux nodules qui ont provoqué la réunion de la Conférence internationale du droit de la mer qui se tient en ce moment à New York et où les 150 pays du monde essayent, difficilement d'ailleurs, de se mettre d'accord sur une certaine répartition qui pourrait, comme le souhaitent certains, rétablir dans une certaine mesure les injustices du passé. Voilà un extrait de l'émission Parti pris sur France Culture en 1977. C'est la voix de Yves Laprairie, président du Centre National pour l'exploitation des océans, l'ancêtre de l'Ifremer. Pierre-Antoine Descendier, on entendait déjà l'intérêt économique que représentent les nodules dans cette archive. Ouais, c'est une ressource qui a suivi pas mal d'effets de mode. Finalement, les années 70 ont connu beaucoup de missions d'exploration pour aller regarder cette ressource-là. À l'époque, il y a eu effectivement une espèce de croyance qu'on pouvait en tirer quelque chose d'économiquement viable très rapidement. C'est avéré que d'un point de vue technologique, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils croyaient à l'époque. Ce qui fait qu'il y a eu des effets de mode et des périodes où on a un petit peu, les industriels ont un petit peu laissé tomber l'affaire, puisque effectivement on est à 5000 mètres de fond. Donc c'est très compliqué. Mais ça revient. ça revient, et pour exactement ce qu'on a entendu dans ce document, pour les ressources dont on parle, nickel, cobalt, ce genre de choses, des éléments essentiels à la technologie moderne, ça reste une ressource qui appelle beaucoup les industriels. Nadine Lebris, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive? Eh ben, en effet, hein, c'est connu, et je voudrais aussi dire que Jules Verne, en fait, était au courant des premières explorations des fonds abyssaux par les navires de type Challenger à la fin du 19e siècle. Et ils avaient déjà remonté des nodules et ils parlaient déjà de mines au fond des mers. Mais ils parlaient aussi de biodiversité à ce moment-là. Ces explorations étaient dédiées à aller chercher la vie dans les grands fonds et explorer un monde qui était complètement inconnu. Donc la réaction que ça me provoque, c'est vraiment que, en effet, il y a cette image du trésor enfoui qu'on va aller chercher et qui finalement n'est là que pour l'exploitation économique humaine, et c'est assez impressionnant. Oui, désormais, l'exploitation des fonds marins, ça n'est plus tout à fait de la science-fiction. Enfin, pour le moment, on n'est fait pas d'exploitation. Mais la 29e session donc de l'AIFM, l'Autorité internationale des fonds marins, se tenait à Kingston, en Jamaïque. Elle s'est terminée le 29 mars. Pierre-Antoine de Sandé, quel est l'enjeu de ces discussions et qu'est-ce qui ressort justement de cette nouvelle session? Ben, ce qui ressort, c'est que finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis la dernière. À savoir que... Évidemment, c'est un jeu très complexe puisque il y a beaucoup de politique internationale. On est dans des zones internationales, donc du coup, il n'y a pas de code minier. Si on allait chercher des minerais dans la zone la ZEE française, il y aurait déjà un code minier qui régit tout. Donc, ce serait pas un problème. Là, on est dans des zones internationales. Donc, effectivement, il faut une réglementation sur lesquelles l'ensemble des pays, des contractants, se mettent d'accord. Et il n'y a toujours pas de code minier international. Donc, l'enjeu de ce genre de réunion, en tout cas du point de vue de l'AIFM, c'est d'avancer pour qu'il y ait un consensus sur ces réglementations-là. Et le retour de la dernière session, c'est qu'il n'y a toujours pas de code minier et il n'y a toujours pas de consensus sur un certain nombre de questions qui restent significatives. Nadine Lebris. Oui, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'AIFM a été créée dans le cadre de la Convention pour le droit de la mer, la Convention de Montego Bay, et qui, implique qu'il n'y ait pas de destruction massive de l'environnement marin et de sa biodiversité. Et donc, de fait, l'AIFM est mandatée pour empêcher toute exploitation destructrice massive. Et le code minier a, entre autres, un de ses volets, c'est le développement de plans de gestion des impacts environnementaux et de mitigation. On parle de réduction des impacts environnementaux. En fait, cette démarche-là, elle doit être très précise et elle doit être ancrée dans des connaissances de la biodiversité, connaissances des écosystèmes, de leurs interactions, des écosystèmes du fond comme ceux de tout l'océan, hein, jusqu'en surface, tous ces liens qui font que l'océan est en bonne santé et assure ses fonctions. Et là, on bute en fait sur les difficultés d'accéder à ces connaissances. Et les manques sont assez abyssaux, comme on disait tout à l'heure. On reviendra justement sur comment on mène ces évaluations, comment on mène des études scientifiques sur les écosystèmes océaniques. Mais Pierre-Antoine de Sandier, on sait quand même remettre en perspective qu'un grand nombre d'industriels et de pays sont prêts à démarrer cette exploitation. Quelles sont les raisons, quels sont les enjeux économiques et stratégiques que ça représente? Ce que ça représente, alors évidemment, il y a un appât du gain puisqu'on sait que la plupart des technologies récentes de batteries, de smartphones, d'ordinateurs portables, de voitures électriques ont besoin d'éléments précieux qu'on trouve dans des quantités réduites finalement. Donc effectivement, il y a plusieurs gisements sous-marins qui présentent des grandes concentrations de ces éléments. Les nodules, c'est un petit peu la figure de proue de ces différents gisements en ce moment, parce qu'on les voit avec des sous-marins qu'on envoie dans les fonds marins. On les voit, visuellement c'est facile, on sait à peu près les quantités qu'il y a, donc on peut évaluer. Donc forcément, ça appelle l'intérêt économique. Maintenant, les enjeux, évidemment... en tout cas pour nous scientifiques, c'est de savoir quel serait l'impact d'aller chercher ces ressources-là. On parle de zones qui sont effectivement au milieu du Pacifique, en particulier sur la zone Anodule, à 5000 mètres de fond, où la biodiversité est particulièrement riche, avec beaucoup d'espèces, contrairement à ce qu'on croyait encore récemment, énormément d'espèces rares, donc fragiles. Et donc, effectivement, ça pose la question de savoir quel sera le devenir de ces espèces-là si jamais on envoie des collecteurs à Anodule. Vous dites en effet qu'il y a des grandes concentrations de ces minerais qui semblent être présents. Est-ce qu'on sait à quel point, finalement, les fonds océaniques sont riches en minerais ? Alors, on sait dans cette zone-là en particulier qu'effectivement, puisqu'on le voit visuellement, qu'il y a... il faut s'imaginer, hein, la plaine abyssale, donc on parle en particulier au niveau du Pacifique, de la zone qu'on appelle le Clarion-Clipperton. C'est une zone qui est par endroits entièrement couverte de ces nodules qui sont presque à touche-touche. Donc, comme le dit le document, c'est beaucoup de fer et de manganèse, mais c'est aussi ces éléments d'intérêt pour les industriels. Donc on sait que selon les concentrations et selon les zones, ça peut représenter des concentrations importantes de minerais. Maintenant, l'évaluation, elle reste complexe. Il n'est pas si intuitif que ça d'interpréter sur une photo ou sur un échantillonnage ce que ça va représenter. Une exploitation, pour qu'elle soit rentable, il faut qu'elle tienne sur 20 ans. Ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de minerais d'intérêt. Et ça, c'est pas si clair que ça, finalement. Nadine Lebris, justement, sur ces enjeux économiques. Je pense que c'est, enfin, tous les cas, ce que les géologues spécialistes des ressources minérales disent, c'est qu'un nodule n'équivaut pas à un autre nodule dans différentes zones de permis. Et c'est la même chose pour les sulfures hydrothermaux. Il y en a qui sont riches en métaux d'intérêt économique et d'autres pas du tout. Et ces évaluations-là, elles sont loin d'être faites. Et je pense que même ceux qui travaillent vraiment sur ces ressources sont pas convaincus eux-mêmes de la rentabilité économique de l'affaire. Donc il y a aujourd'hui beaucoup d'investissements qui sont peut-être liés au développement d'équipements, à quelque chose qui est plus de l'ordre de la géostratégie et pas forcément de la réelle ressource économique. En particulier pour les nouvelles technologies. On parle les métaux dans les profondeurs. Bon, on a évoqué les nodules, ces fameuses petites patates qu'on entendait dans l'archive. On a aussi donc les zones hydrothermales où on trouve des dépôts sulfurés et l'encroûtement. Ça, c'est à peu près les trois types de gisements qui existent. Oui, c'est les trois types de gisements sous-marins qu'on connaît bien. Effectivement, en ce moment, il y a un peu plus une tendance aux nodules parce que ça paraît plus simple, parce qu'on les voit. Les dépôts massifs sulfurés qui sont effectivement associés au système hydrothermaux, c'est un peu plus complexe parce que effectivement, il y a un moratoire sur l'hydrothermal actif. Donc ça veut dire que les fumeurs noires qu'on voit avec la biologie associée... Les fumeurs noires, ces cheminées très emblématiques. Exactement. Il y a un consensus de protection autour de ça, donc on commence à s'intéresser à ce qui est un peu plus inactif, pour en tout cas une potentielle exploitation. Mais où s'arrête l'actif de l'inactif ? Nous, scientifiquement, on travaille beaucoup dessus à l'Ifremer et on a vu que la différence, elle n'était pas si simple que ça, finalement, de ce qu'on considère éteint ou inactif. Il se passe encore plein de choses d'un point de vue géochimique et donc biologique. Et donc, c'est loin d'être simple. Et en plus, ça peut être couvert par des sédiments, donc c'est pas visuel. D'où le fait, peut-être, que les industriels vont aller plus facilement vers les nodules qui visuellement ont quelque chose à se mettre sous la dent, finalement. Et ça paraît plus simple. Ça reste, à mon avis, très compliqué. Très compliqué. Nadine Lebris, en attendant, les nodules, depuis ces dernières années, c'est ce qui apparaît comme le gisement le plus rentable à exploiter. Non, là, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est sans doute le plus facile à imaginer. C'est aussi le plus profond. Les sulfures, c'est souvent plutôt entre 1000 et 2000 mètres. Les gisements identifiés et les zones de permis, ça peut aller plus profond, mais les plaines abyssales sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus déconnectées des côtes, des îles, des zones où il y a de l'activité humaine, y compris de la pêche éventuellement. On donnait l'illusion qu'en fait on pourrait détruire cet écosystème, exploiter ces zones sans qu'il y ait d'autres trop de conséquences sur une vision très anthropocentrée des choses sur l'océan de sa surface, essentiellement dans sa surface. Donc en fait, ça a beaucoup avancé dans ce domaine-là. Il y a autre chose qui fait peut-être pencher vers les nodules, c'est la toxicité des sulfures, notamment quand ils sont broyés et dispersés dans l'eau. Alors peut-être que j'anticipe sur la suite, mais pour les nodules, il y a des problèmes majeurs d'impact environnementaux, mais la nature du nodule lui-même, très compact, très, très solide, fait qu'on ne va pas broyer les choses et les disperser dans l'eau. Donc ça, je pense qu'il y a eu cette idée-là que finalement les plaines abyssales, d'abord la vie était rare. Moi, j'ai entendu aussi, il n'y avait pas beaucoup de biomasse, donc on peut détruire, ce qui paraît complètement surréaliste. Donc voilà, il y a eu cette idée-là, et puis il y a aussi des machines qui ont été construites par des gens qui ont commencé par les sulfures, et puis il y a eu des problèmes d'autres ordres sur l'exploitation des sulfures, et ils ont réinvesti dans les plaines abyssales. Donc c'est un peu aussi l'opportunité de lever des fonds qui tire ça. Alors pour le moment, pas de code minier. La 29e session de la IFM se poursuivra avec de nouvelles discussions au mois de juillet 2024. Techniquement, comment se déroulerait l'extraction de ces nodules? Comment aller chercher ces nodules à plus de 5000 mètres de profondeur? Quels enjeux technologiques cela représente? Restez à l'écoute. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture avec Nadine Lebris et Pierre-Antoine Descendier, nous parlons de projets d'exploitation de ressources minières sous-marines. On a vu qu'il n'y a pas de protocole minier en haute mer, mais nous avons parlé des enjeux politiques, économiques que cela représente. On vient de parler de trois types de gisements qui sont possibles. Quelle biodiversité, justement, ces trois types de gisements représentent trois types d'écosystèmes différents, Pierre-Antoine Descendier? Alors on a effectivement on parle de trois gisements différents, donc qui sont potentiellement, comme l'a rappelé Nadine, dans des zones assez différentes, de profondeurs différentes et de contextes différents. La zone hydrothermale, elle est un peu particulière parce qu'elle est caractérisée par une énergie, l'énergie de la chimiosynthèse. Donc ça veut dire que on a quelque chose dans ce milieu-là qui favorise la vie, et ça favorise la vie d'une manière visible. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça fait que, et on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure d'un point de vue d'intérêt industriel sur telle ou telle ressource, je pense que ça favorise aussi leur communication. Parce qu'à un moment donné, sur les zones hydrothermales, on voit des oasis de vie avec de la symbiose, donc c'est-à-dire des communautés microbiennes, des bactéries, qui favorisent tout un tas d'organismes qui se voient, qui sont macroscopiques, macro-échelle. Et donc du coup, ça peut très très vite être critiqué de dire qu'on va détruire ces oasis de vie. Les plaines abyssales, c'est principalement des faunes invisibles. On a de la mégafaune qu'on peut voir. On a des éponges, des coraux d'eau froide, des anémones, on a des holothuries, on a des choses qu'on voit. Mais on a surtout une biomasse et une biodiversité qui est invisible et enfouie dans les sédiments. Ce qui est une biodiversité qui est essentielle au fonctionnement de l'océan profond, mais qui est invisible. Donc forcément, d'un point de vue communication, c'est beaucoup plus facile de dire c'est un désert de vie, on peut y aller, ça ne va pas faire grand-chose. Donc ce sont des biomasses et des biodiversités, des écosystèmes complètement différents, mais qui jouent des rôles différents aussi dans l'océan et qui ont autant d'importance pour le fonctionnement de l'océan global, finalement. Oui, Nadine Lebris, dans ces plaines abyssales, on ne connaît pas la moitié des espèces présentes sur place. Peut-être encore moins. Ce qui est sûr, c'est que les explorations un peu avancées des 10 dernières années, avec des technologies modernes, d'imagerie, de cartographie à très fine échelle, ont montré que finalement, on imaginait quelque chose de très homogène sur des milliers de kilomètres carrés, enfin, même plus, dizaines, centaines de milliers de kilomètres carrés. Et en réalité, c'est un monde qui est aussi hétérogène que presque les bordures de continents, avec des collines abyssales, avec des zones de forte densité de nodules, de tailles différentes de nodules, avec de la faune fixée différente d'une zone à l'autre. Et ça, c'était en fait inaccessible À l'époque, on faisait avec le Nautil des plongées à 4000 mètres de fond, donc quelques heures par plongée au fond. Hein, donc des choses qui étaient, même à la fin des années 90, pas tellement accessibles. Donc là, ça a tout changé, parce qu'il y a eu justement cette pression sur potentiellement l'exploitation. Et les conclusions de ces études scientifiques, écologiques et de cartographie ont quand même montré qu'on en savait peu et que la diversité de ces zones, elle était bien plus importante que ce qu'on imaginait. Et comme disait Pierre-Antoine, la diversité des espèces, qui sont toutes de très petite taille, très diversifiées, ce qui est en fait une réponse à la raréfaction de la nourriture en profondeur. Donc il y a beaucoup plus d'espèces, elles partagent peu de ressources, mais elles savent l'utiliser au maximum, c'est un peu le principe. Cette diversité-là, on est bien loin de l'avoir décrite. Justement, pour cette biodiversité, je reviens sur ces nodules qui sont des socles, des habitats. Pierre-Antoine Descendiers, comment se forment ces gisements? Je crois qu'il paraît que c'est l'un des phénomènes géologiques les plus lents. Oui, c'est extrêmement lent. C'est probablement l'un des phénomènes géologiques les plus lents de la planète. Et ça a un impact effectivement énorme sur la biodiversité, puisqu'il y a tout un tas de faunes qui ne vivent que par l'existence de ces nodules, parce qu'elles ont besoin de se fixer à un substrat dur. On est sur une plaine abyssale où il n'y a que de la vase, très très fine, et donc l'existence de ces nodules permet à un certain nombre d'organismes de venir se fixer et de survivre. Et ces organismes, ils vont pas juste être là et exister en tant que tels, ils vont aussi servir aux autres comme ressources de nourriture, comme protection, comme nurserie pour des espèces plus petites. Donc effectivement, la présence de ces petites roches sur un substrat mou va créer cette biodiversité et cette richesse. Et donc du coup, le fait que ce soit aussi lent et aussi compliqué de former un nodule, parce qu'au-delà d'être lent, parce qu'il faut plusieurs millions d'années pour créer un nodule, mais en plus, il faut des conditions particulières, une grande profondeur, on l'a dit, peu d'apport de nourriture, donc il faut être en dessous de zone de compensation des carbonates, je suis un peu technique, mais en gros, il faut des conditions très particulières. Et ça fait que si on retire ces nodules, bah concrètement, moi, les générations futures, vous, tout le monde, et beaucoup, on ne verra pas d'autres nodules apparaître. On est à l'échelle de l'âge de la planète. Et comment se déroulerait l'extraction de ces nodules? Les deux industriels qui sont le plus avancés sur ces questions ont développé des collecteurs à nodules. En quoi ça consiste? Alors il y a des prototypes qui ont été envoyés au fond. On a travaillé nous avec les Belges notamment de GSR, mais il y a aussi de Metal Company qui ont envoyé des prototypes sur le fond. Donc en fait c'est des collecteurs qui ressemblent à des grosses chenilles hein, qu'on peut voir dans les montagnes et qui se déplacent sur le fond et en avançant qui vont récolter ces nodules. L'idée c'est de les broyer au fond et d'envoyer les particules par des espèces de pipeline jusqu'à un navire résident au-dessus qui va récolter donc ces particules, trier, prendre les particules d'intérêt et renvoyer ce qui ne les intéresse pas dans l'eau, ce qui est un impact supplémentaire. Mais l'idée, c'est vraiment de se balader sur le fond avec l'impact qu'on peut imaginer, de racler les nodules et pas que, puisqu'effectivement, ça racle tout ce qu'il y a autour, et de broyer, de récolter tout ça. Et puis je vous dis, on va rejeter aussi les déchets. Ça aussi, on sait où les renvoyer? Alors il y a différentes études qui ont été menées. Donc les plus avancées, c'est probablement TMC, hein, The Metal Company, qui en tout cas ceux qui ont le plus investi et le plus communiqué là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que renvoyer des eaux sales entre guillemets, hein, donc enrichies en particules sédimentaires, à la surface, ils savaient que c'était catastrophique pour la photosynthèse. Au fond, ils savaient que c'était catastrophique parce qu'ils avaient déjà raclé le fond et qu'il y a toute une vie. Donc, ils se sont dit, on va l'envoyer au milieu, donc à 1200 mètres de fond. Et ça les arrange bien parce que c'est là où on a le moins de connaissances. Donc, en fait, ce qu'on sait, c'est que ça aura un impact. On ne sait pas où ce nuage de particules va atterrir. On ne sait pas exactement, selon le cycle de vie des spécimens qui vivent dans la colonne d'eau, à quel point ça va les stresser d'un point de vue écologique. En fait, surtout, on ne sait pas. Et c'est là où ça les avantage pas mal. Nadine Lebris. Ouais, je vais rebondir là-dessus. C'est qu'en fait, déjà, moi, je ne pensais pas qu'ils broyaient les nodules au fond, ce qui est une source de pollution et de risques beaucoup plus importante, parce que les particules fines, elles sont beaucoup plus impactantes pour la faune. Tous les organismes filtreurs, tous ceux qui respirent, vont avoir leur... leurs branchies colmatées, leur système de captation de particules. Donc ça c'est le problème majeur. Et partout, y compris en zone côtière, quand on a de la, on appelle ça la turbidité, des très fortes charges en particules qui sont liées à une activité humaine, par exemple, eh ben on a de la mortalité de coraux, de toutes les espèces qui filtrent ou qui ont besoin d'accéder à une eau sans particules. Donc ça c'est un problème de fond. Mais quand j'entends en effet, c'est simple de se dire on se met entre les deux à 1000 mètres, on sait pas trop. Sauf que 1000 mètres, c'est aussi la zone où on considère que le CO2 capté par les eaux océaniques est séquestré dans les eaux profondes. Donc en gros, il se passe énormément de choses dans ces zones, et notamment du zooplancton migrateur qui fait des centaines de mètres par jour et qui favorise le transport de ce CO2, de ce carbone, vers les profondeurs. Donc quelque part, on est en train de jouer aussi à cette échelle-là, dans ces profondeurs-là, avec ce qu'on appelle la pompe à carbone. Et c'est probablement la plus mauvaise idée que j'ai entendue sur ce choix. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en profondeur, relarguer et générer ces panaches de particules, ça va tuer l'essentiel des espèces qui pourraient survivre après l'enlèvement des nodules. Autre point, c'est une fois remonté sur Terre, comment on fait pour extraire les éléments qui nous intéressent des nodules? Comment séparer chimiquement les métaux présents dans ces nodules, Nadie Lebris? Alors bon, moi je suis chimiste de formation au début, je chimie des eaux, mais de fait, bon, je suis pas spécialiste de la question, sauf que de fait, il faut quand même faire par des processus chimiques ou défaire par des processus chimiques les liens qui ont été formés sur des millions d'années par des métabolismes microbiens extrêmement efficaces. Et du coup, il faut des techniques très agressives avec des réactifs qui peuvent être relargués dans l'environnement et qui posent des questions de environnementales très importantes. C'est des procédés et des techniques très polluantes. Là, on parle en effet des nodules, mais quels seraient aussi les modes d'exploitation, d'extraction des sulfures hydrothermaux? Voilà, on retrouve ce qui a été dit, c'est-à-dire là, on est dans un contexte où c'est plus des monts sous-marins, des mini-monts sous-marins qu'on va broyer. C'est de l'extraction telle qu'elle existe à terre. Broyer, puis remonter à la surface et réinjecter de la même façon après filtration des particules fines. La différence, peut-être, avec les nodules, et sûrement, c'est que ces particules sont très réactives. Dans l'eau de mer oxygénée, elles vont se dissoudre, elles vont relarguer un certain nombre de métaux qui sont présents. Associés aux métaux d'intérêt, il y a aussi du mercure, il y a aussi du plomb, du cadmium, donc des métaux qui sont hautement toxiques dans l'environnement marin, et pas seulement, et qui vont être relargués sous une forme qui est de microparticules, et les microparticules sont aussi celles qui vont être les plus réactives. Et on va aussi avoir associé une diminution de l'oxygène, consommation de l'oxygène, et une acidification de l'eau dans la zone impactée par ces panaches. Pierre-Antoine Descendier ? Oui, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a énormément de questions sur les panaches. C'est assez facile de s'imaginer l'impact direct de retirer ce qu'il y a sur le fond, les sédiments, les nodules ou sur les massifs sulfurés, parce qu'on retire l'habitat, donc on voit très bien les espèces qui vont disparaître directement. Les questions qui sont beaucoup plus complexes, c'est effectivement ces panaches d'extraction. Alors il y a évidemment le panache du collecteur en lui-même qui va remettre en suspension tout un tas de sédiments qui va recouvrir d'autres organismes. Et puis il y a ces eaux enrichies en particules que différents industriels envisagent de remettre au milieu de la colonne d'eau. Donc il y a une histoire d'écotoxicologie derrière ça, et il y a une histoire de problématique d'échange chimique entre l'eau et le fond, et tout ça, on a très très peu de réponses là-dessus. Alors quelles sont les limites technologiques au minage sous-marin et comment évaluer cet impact environnemental? Restez avec nous, on répond à ces questions dans quelques instants. Muito parecido a esse amor. Underwater Love du groupe Smoke City en direct sur France Culture, car nous parlons de minage sous-marin en compagnie de nos deux invités du jour, Nadine Lebris, professeure à Sorbonne Université, à l'Institut de Systématique Évolution Biodiversité au Muséum d'Histoire Naturelle, et Pierre-Antoine Descendier, chercheur en écologie benthique au laboratoire Environnement Profond à l'Ifremer à Brest. Nous venons de voir que, loin d'être des déserts, les abysses et les grands fonds peuvent abriter une vie foisonnante. Les minerais et métaux rares qui gisent au fond des océans attirent les convoitises des États ou des compagnies, mais aussi des équipes scientifiques. Pour le reportage du jour, nous sommes allés à l'Institut de physique du Globe de Paris pour rencontrer un géophysicien spécialiste de ces milieux. On en parle avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Natacha. Oui, Jérôme Dimon, directeur de recherche en géosciences, est impliqué depuis ses débuts de carrière dans des grandes missions pour explorer les fonds océaniques. Observations satellites, plongées sous-marines ou sondages par drone robotique, il a sillonné quasiment tous les océans du globe à la recherche de gisements non pas en vue de l'exploitation minière, mais pour mieux comprendre les sources hydrothermales qui se nichent dans les topographies profondes. Soulignant les carences de connaissances de ces milieux, il alerte aussi sur les risques liés à la dégradation des environnements. Ça, c'est une mission qu'on a fait il y a déjà un moment, en 2008. J'ai ressorti tout ça parce qu'on a fait l'année dernière, en 2023, une nouvelle campagne sur ces sites. Alors le site que vous voyez ici, ce qui est en vert là, c'est tout petit, c'est un site hydrothermal qui a été découvert il y a déjà un petit moment, dans la fin des années 1900, je dirais 80. Qui est un site très intéressant, qui se trouve être sur des roches ultramafiques, c'est-à-dire de la serpentine. Dans l'océan, vous avez beaucoup de basalte. Vous savez exactement dans quel océan ? Alors, on est dans l'Atlantique. Atlantique Nord. L'Atlantique Nord, on est un peu au sud des Açores. Les Açores sont par là-bas, à 2 jours de bateau. Et donc, sur cet endroit qui est juste à la limite de la zone économique portugaise et qui va certainement y être intégré après les révisions de ces zones économiques qui sont en cours, dans cette zone-là, donc, on a un site hydrothermal assez extraordinaire. Et donc, dans cet endroit-là, on est justement sur des roches du manteau, des roches, des serpentines, ce qu'on appelle les serpentines, ce qui est tout à fait particulier parce que le lessivage des métaux qui se trouvent là va dégager beaucoup plus de cuivre et de zinc que si c'était simplement de la lave normale du basalte océanique qui lui va surtout donner du fer. Donc ces sites sûrs de la serpentine sont particulièrement intéressants. Intéressants parce qu'ils sont originaux, ils ont des caractéristiques différentes, et puis aussi intéressants pour nos amis ou nos pas amis prospecteurs qui voudraient trouver des métaux utiles. Et puis ici, on a trouvé un nouveau site hydrothermal. Alors ça, c'était un peu la chance. On a fait des dragages aussi, parce que sur une campagne océanographique, il faut s'imaginer que le temps est compté. Vous avez assez peu de temps, bon, c'est quand même un mois, hein, c'est formidable, mais tout coûte très cher. Évidemment, vous ne dites pas, oh bon, ce soir, on n'a rien à faire, allez, congé pour tout le monde, on arrête le bateau et on va se coucher. On ne peut plus faire ça. Maintenant, la nuit, on travaille. Et donc, quand on a fini une journée, par exemple, on a fait marcher le robot téléopéré toute la journée, il est à bord, on va attendre le lendemain matin, les ingénieurs ont du travail à faire pour le remettre d'aplomb, il y a une petite panne, etc. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on peut faire des profils de surface, bon, on en fait, mais là, la zone commence à être bien couverte, donc on n'avait plus beaucoup, il faut s'éloigner vraiment pour commencer à faire quelque chose d'intéressant, donc ça prend aussi du temps, donc s'il faut s'éloigner d'une journée, on perd trop de temps pour revenir le lendemain, c'est pas possible. Donc ce qu'on fait souvent, c'est des dragages. Alors évidemment, on va pas draguer sur les endroits où c'est intéressant, on va s'éloigner un petit peu, et puis l'avantage, c'est qu'on va avoir tous les types d'échantillons qui se trouvent dans la région, en prenant des prélèvements par drague. Et donc on a fait des dragues de ce genre, et par chance, ici, en draguant, on a ramené des coquilles. Alors quand on ramène des coquilles, ça veut dire qu'il y a eu de la vie, s'il y a eu de la vie, il y a eu de l'hydrothermalisme, donc... Il y aurait donc un autre site hydrothermal que celui qui était connu ici, à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quand on a eu le robot téléopéré d'aplomb, on est allé faire des zigzags sur cette zone-là, et on a effectivement trouvé un site hydrothermal mort, hein, fossile, mais des accumulations de coquilles gigantesques sur les flancs de la colline, c'était assez extraordinaire. Comment on s'y prend pour étudier, sonder les fonds marins, notamment les gisements ? Il y a différentes approches, satellites, mesures de surface. Il y a beaucoup d'approches, effectivement. Alors, le satellite est utile, mais il est quand même un petit peu loin des choses. Et en fait, il faut se dire qu'un gisement des ressources minérales marines, c'est souvent des choses très petites. Hein, c'est pas plus grand qu'un terrain de football. Donc le satellite a un peu du mal à les voir. Le satellite, il nous donne une image générale du fond des océans avec l'altimétrie satellitaire. Alors la carte que vous voyez derrière, par exemple, ces deux grandes cartes de l'Atlantique équatorial. Bon, il y a beaucoup d'interprétations dessus, mais le fond de carte en couleur, ce sont des mesures faites ainsi par satellite. Alors, le satellite a un grand avantage, c'est qu'il passe partout de la même façon, donc on a des cartes homogènes. L'inconvénient par rapport aux recherches qu'on pourrait faire... C'est la précision. C'est la précision, évidemment. Donc pour la précision, on va aller chercher d'autres instruments et on va avoir besoin là de l'outil de l'océanographe, c'est-à-dire du navire océanographique. La première chose qu'ils ont, c'est un sondeur bathymétrique multifaisceau. Alors c'est simplement, on émet des ondes sonores et on écoute leurs réflexions. Comment sonore ? C'est un peu comme, ce sont des mêmes principes, hein. Simplement c'est un peu plus compliqué puisqu'en fait on émet selon plusieurs directions et on récupère l'information selon d'autres directions, ce qui permet en combinant tout ça avec des formules mathématiques un peu compliquées de retrouver non pas juste la profondeur en dessous du bateau comme on faisait dans le temps, mais d'avoir une véritable cartographie le long d'un grand rail, je dirais, d'une grande route que suit le bateau. De part et d'autre du bateau, on voit à plusieurs kilomètres, à une dizaine de kilomètres. Quand vous êtes en mer, vous vous rendez compte très très vite que l'ennemi le plus grand, bon, d'une part c'est la pression, parce qu'on descend en profondeur, tout instrument, tout ce qu'on met à l'eau est susceptible de casser, on a toujours des problèmes, mais c'est l'immensité aussi. L'immensité. Vous êtes face à quelque chose d'énorme. Une boîte comme ça, c'est pas très très grand. Bon, le petit truc vert ici, c'est mon terrain de football, là, oui. Mais ça, c'est déjà un mois de campagne. Et encore, on n'a pas tout vu, on a juste eu quelques flashs sur certains endroits. Maintenant, avec les outils dont on dispose, dont on disposait pas en 2008, on a fait une campagne beaucoup plus profitable, on a passé beaucoup plus de temps au fond avec le robot téléopéré, c'était plus efficace, parce qu'on n'avait pas les drones à cette époque-là, et depuis on les a. Les drones ont commencé en 2010, juste après. Mais même si on est plus efficace, on se rend compte que vous êtes au fond, sur le sous-marin, vous lui dites « allez, va à droite, va ici ». Puis peut-être qu'à gauche, il y a un truc extraordinaire qu'on rate. Mais bon, bah, on ne peut pas faire les deux. On peut avoir la topographie, le champ magnétique, la gravimétrie, on peut avoir un tas de choses. Rechercher des panaches dans l'eau, ça oui, on peut faire. Par contre, avoir la vue complète du terrain, non, on n'en est pas encore là. On y viendra peut-être, mais là, il faudra qu'on ait peut-être des flottes de drones qu'on va laisser, qui vont ratisser tout ça et qui vont nous ramener des images, des données, etc. Mais on progresse. Chaque fois, la technologie avance et c'est aussi une des choses extraordinaires dans ce métier. Merci Cénile Lozen pour ce reportage. Nadine Lebris, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Je vais confirmer le fait que quand on est au milieu de l'océan, on perçoit vraiment l'immensité des choses, et quand on plonge dans un sous-marin en profondeur, c'est encore plus marquant d'arriver sur le fond et de se rendre compte de ce qu'on est, c'est-à-dire très peu de choses ou même rien du tout. Mais par contre, pour être précis, hein, si on veut cartographier et visualiser, voir où est la faune ou voir ce qu'il y a sur le fond, il faut qu'un engin aille à peu près à la vitesse de quelqu'un qui marche. Ça va pas plus vite que ça. Et il faut être à quelques mètres du fond. Donc quand il y a du relief, ça... Donc on imagine que cartographier une zone, même un terrain de football, ça prend un temps infini. Donc il y a quelque chose d'illusoire à penser qu'on va cartographier très très très grandes zones de l'océan. Pierre-Antoine Descendier. Bah exactement la même réaction. C'est vrai que imager le fond pour essayer de reconnaître des espèces, il faut être à pas plus que 5 mètres du fond. Donc on parle de zone de 3000, 5000 mètres. Donc ça veut dire qu'il faut quand même déjà passer du temps pour envoyer l'engin au fond. Le faire effectivement survoler des zones parfois très escarpées à très peu d'altitude. Donc tout ça demande beaucoup d'application, d'organisation. Et puis effectivement... On travaille sur des zones qui sont parfois très très petites. Quand on parlait de la zone à nodules, typiquement, je vais mener une campagne à la fin de l'année. L'espace du contrat d'exploration français, il est vaste. Et les zones sur lesquelles on va s'intéresser, c'est les timbres-postes. Parce qu'on ne peut pas faire le travail correctement autrement que ça. Donc on va s'intéresser à des timbres postes là-dessus, sur cette zone, en essayant d'en comprendre un maximum, et puis d'extrapoler ce qu'on peut, mais on va s'arrêter un peu vite quand même pour l'extrapolation, parce qu'on n'est pas non plus des devins. Donc on va rester un peu sur ce qu'on sait et ce qu'on sait faire, mais c'est vraiment très long, ça demande beaucoup de temps. Vous entendez dans ce reportage en tout les défis aussi que représente l'exploration des grands fonds. Je reviens sur la question de l'exploitation sous-marinière. Pierre-Antoine Descendier, ça représente quand même un certain nombre de défis techniques déjà qu'on n'a pas encore abordés ensemble. Bah, c'est des défis effectivement de profondeur. On entendait parler dans le reportage du problème de la pression. Effectivement, nous, en tant que scientifiques, on a quand même l'habitude d'envoyer des instruments au fond pour essayer de mesurer tout un tas de choses. Et effectivement, il faut tenir cette pression. Il faut que nos instruments fonctionnent. Donc là, on imagine que il faut que tout ça fonctionne très bien, que ça puisse être ramené en surface. Quand on parle d'exploitation, ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait un bateau relié à ces instruments de récolte qui fonctionnent finalement en binôme toujours en même temps. Donc tout ça, ça coûte beaucoup. C'est compliqué d'un point de vue technologique. Et effectivement, il faut que toute cette machinerie qui marche, elle marche pour longtemps, pour que ce soit rentable. Oui, il y a toutes ces conditions d'effet extrêmes des grandes profondeurs, mais aussi, on ne sait pas à quel point ces techniques consomment de l'énergie. Oui, exactement. C'est bon, nous on sait un peu parce qu'on fait des missions en mer, donc on sait que ça nous coûte cher et que c'est pas si simple que ça. Donc on peut imaginer assez facilement déjà le prix du gasoil du bateau et puis le prix de faire marcher toutes ces technologies. Qui vont certainement à un moment donné avoir des problèmes, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait que les scientifiques qui aient des avaries en mer. Donc je pense que ça arrivera aussi, et donc du coup oui, c'est ça paraît être technologiquement très complexe, et c'est clairement, à mon sens, à l'heure actuelle, pas mature. Et puis il faut aussi remonter des quantités astronomiques de roches pour être rentable. Nadice Lebris, vous souhaitiez réagir? Oui, moi je voulais réagir sur et peut-être revenir un peu à l'exploration, mais parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est aussi de rendre cette capacité de connaissance, d'acquérir de la connaissance, beaucoup plus accessible, beaucoup plus low cost. C'est-à-dire que les États qui sont des États insulaires ou des États côtiers, qui seront concernés par ces enjeux et peut-être démarchés par un certain nombre de compagnies ou de contractants, et la capacité de cartographier leurs zones. Et on a l'impression que c'est de la très haute technologie qui demande énormément d'argent. Et c'est vrai, ça a été vrai jusqu'à présent. Mais il y a quand même quelque chose qui va vers la possibilité de développer des instruments qui soient moins chers, de travailler avec des navires de pêche de toute petite taille pour aller voir s'il y a des coraux profonds sur des zones de dorsale. C'est par exemple ce qui a été fait aux Açores avec des GoPros enfermés dans des caissons sous pression, hein, qui sont beaucoup moins chers. On sort un petit peu du cercle des gens qui ont accès à une technologie lourde, qui est nécessaire, qui est très pointue, comme on l'a aussi entendu dans le reportage, mais qui doit aller vers une appropriation. Et ça va aussi vers la formation des jeunes et jusqu'aux écoles, c'est-à-dire la capacité de construire leurs propres instruments pour être capable d'observer, de mesurer certains paramètres, y compris en grande profondeur. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je suis complètement d'accord. Effectivement, quand on sort un petit peu de la question de l'exploitation, si on parle de ce qu'on fait nous, en science, il y a des choses qui deviennent plus accessibles et plus simples à faire. Et finalement, on se rend compte que on n'est surtout pas assez nombreux, parce que les solutions, elles existent pour aller chercher des données de plus en plus jolies et de plus en plus intéressantes à exploiter. Et il y a vraiment moyen, avec peu de moyens, un peu d'ingéniosité, d'aller chercher de très belles données et très belles informations pour aller essayer de comprendre ces écosystèmes. Mais sur ces données scientifiques, justement, et par rapport à l'évaluation scientifique, si jamais l'AIFM, dans son code minier, autorise l'extraction sous-marinière, pour les plaines abyssales, donc là où on trouve nos fameux nodules, quels seraient les impacts d'une telle exploitation ? Alors, il y a différents impacts. Le plus simple, c'est l'impact direct. Donc, retirer effectivement le nodule, c'est retirer un habitat sur lequel est fixé un certain nombre d'organismes. Comme couper une forêt. Exactement. Et au-delà de l'organisme qui est fixé sur cet habitat, il y a effectivement toute la vie qui s'articule autour, puisque c'est une nurserie, une zone de protection, un apport de nourriture pour d'autres espèces qui viennent s'y camoufler, se reproduire, etc. C'est ce qui crée, en fait, la biodiversité de cette zone. C'est l'hétérogénéité. C'est une vase meuble très très fine, parcellée de ces nodules, de ces encroûtements qui sont durs. Et donc c'est extrêmement hétérogène sur une vaste plaine abyssale. Et donc c'est ce qui crée la richesse. Et donc effectivement, l'impact direct, c'est de retirer cette hétérogénéité et cet habitat. L'impact tout de suite après, c'est de se dire que ces collecteurs, quand ils vont venir racler le fond, ils vont retirer aussi les sédiments qui sont autour, et principalement les sédiments de surface, et malheureusement c'est là où se concentre la plus grande partie de la vie. Et effectivement, on va avoir après des impacts indirects que nous, on maîtrise beaucoup moins, c'est là où demeurent beaucoup de nos questions. Le panache d'extraction, donc effectivement, cette grosse chenille, quand elle passe, elle déploie des particules qui vont se redéposer autour. On a échantillonné, nous, sur les dernières campagnes pour lesquelles on était partenaire, des zones où il y a effectivement de l'accumulation de beaucoup de sédiments, d'un peu moins en périphérie, et on voit effectivement directement sur les paramètres environnementaux, avant même de regarder les organismes et les espèces, on voit déjà sur la chimie, sur la granulométrie, des impacts. Donc on sait que l'environnement, la maison de ces organismes, elle a déjà été perturbée. Puis il y a aussi l'impact du bruit, de la lumière, des vibrations des grosses machines. Exactement, et ça c'est ce qu'on essaie de plus en plus de mesurer. Ça se fait pas mal sur l'hydrothermal. À l'Ifremer, c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus, notamment sur les zones ateliers, où on essaie de tenir en compte de plus en plus de la lumière, la vibration, du bruit, aussi des choses qu'on laisse au fond. Parce que chaque déploiement de matériel, qui soit pour à visée industrielle ou à visée scientifique, finalement, c'est des lestes. Quand on envoie un sous-marin ou quand on envoie des sondes au fond, parfois on laisse des lestes au fond. On peut avoir notre impact aussi. On essaie, nous, de le quantifier de plus en plus. Et si on arrive à quantifier notre propre impact à l'échelle scientifique, peut-être qu'on arrivera à déterminer un peu plus un impact à plus grande échelle. Alors pour les zones de sulfure, Nadine Lebris, et par rapport à l'exploitation justement des zones hydrothermales, il y a deux types. Il y a les zones actives où on trouve les très célèbres fumeurs noirs. Ça, même l'AIFM, qui est plutôt pro-minage, est d'accord pour dire qu'on n'y va pas. Par contre, on irait dans les anciennes zones actives. Oui, en fait, ce qui est recherché, ce sont les accumulations, donc les zones qui ont permis l'accumulation sur le fond de sulfure, donc de ces cheminées qui au bout d'un moment s'éteignent, mais qui ont créé sur des dizaines de milliers d'années, hein, c'est mon sous-marin. La difficulté, c'est bien comme ça a été dit, de les distinguer. Et les fumeurs noirs, c'est un petit peu c'est vraiment la tête d'épingle dans un système hydrothermal. C'est quelques zones qui sont pas toujours très riches en faune d'ailleurs, parce que 350 degrés, ça exclut absolument toute vie, hein, même plus de 120. Donc en fait, ce qui est riche, ce sont les zones de température intermédiaire où il y a un mélange entre ces fluides et l'eau de mer qui est froide. Et là, on peut avoir des densités très fortes. Mais éloigné des zones de haute température, il y a aussi des émissions beaucoup plus diffuses, qui sont beaucoup moins connues, parce qu'on ne sait pas les détecter dans l'eau, il n'y a pas de signature chimique dans l'eau, et il y en a beaucoup sur les dorsales. On parle d'habitat fantôme, mais il joue un rôle extrêmement important dans la distribution des espèces sur les grandes distances, sur les dorsales océaniques, et ces habitats, on ne les connaît pas. Par contre, on sait qu'il y en a associés aux zones d'accumulation de sulfure, qui sont dites inactives, mais qui en réalité sont encore en phase certaine de refroidissement avec de la circulation d'eau de mer et avec des réactions chimiques, de la production microbienne de matière organique qui bénéficie à toute une faune autour. Et puis des espèces qui sont complètement inconnues, parce que finalement, ce sont les fumeurs noirs. En effet, c'est les zones de plus haute température qui ont attiré l'attention, la spécialisation de ces espèces assez exceptionnelles, emblématiques. Mais sur les zones inactives, il y a aussi des espèces qui sont adaptées à ces substrats, à ces habitats-là, et qui commencent à peine à être décrites en tant qu'espèces nouvelles. Donc là, on voit la limite aussi de la connaissance actuelle des choses. Ce qu'on sait, en tout cas, par rapport à l'exploitation justement des zones hydrothermales, on se doute que ça va aussi peut-être créer une acidification de l'eau, et ça, c'est des impacts qu'on connaît très bien, ce sont les mêmes que pour l'exploitation minière terrestre. Bah, les sulfures, oui, les sulfures dissous dans l'eau, quand ils s'oxydent, ils forment de l'acide sulfurique, ça acidifie. Alors, c'est connu dans les rivières, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de rejets miniers à terre qui ont détruit des rivières, mais en réalité, dans l'eau de mer, avec des dilutions beaucoup plus importantes, avec des impacts peut-être moins concentrés, mais en même temps, dans une eau de mer qui est extrêmement homogène, qui est plutôt alcaline. On connaît le problème de l'acidification qui est lié encore une fois au CO2 dans l'océan, et de très faibles variations peuvent affecter beaucoup d'espèces qui ont besoin de former des coquilles ou des squelettes. Là, on se retrouve avec un pulse d'eau acidifiée, et l'anecdote, les dernières campagnes que j'ai faites, en prélevant des sulfures inactifs, on a détecté par un capteur de pH qui était sur le sous-marin un pic. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sensible et extrêmement marqué. On arrive à la fin de cette discussion. Pierre-Antoine Descendiers, on peut se dire comme ça que toucher aux plaines abyssales, extraire des nodules à 5000 mètres de fond, finalement, ça ne nous concerne pas. Quel impact cela pourrait avoir sur l'océan, de façon globale? Alors, c'est vrai que tout ça est très éloigné. Et c'est justement l'argument un petit peu communication des industriels qui était beaucoup utilisé, de dire que c'était très loin de nous et que ce serait finalement bien mieux que d'aller extraire des ressources sur le continent. Ce qui est par contre un paramètre à prendre en compte, c'est que pour la première fois peut-être de notre histoire, on a la capacité d'essayer d'estimer un impact avant de faire quelque chose. On a utilisé les hydrocarbures bien avant de savoir ce que ça aurait comme impact sur les gaz à effet de serre. Là, on est en droit de se dire qu'on est en manque de connaissances et qu'on a vraiment besoin de répondre à certaines questions et que peut-être qu'on pourrait essayer pour une fois d'estimer quels seraient les impacts avant de commencer. Et après, il faut considérer que l'océan est global, que la vie qui se passe au fond, tout ça est une chaîne alimentaire qui se passe des plus petits organismes jusqu'aux plus grands, et que finalement, si on casse cette chaîne alimentaire, même très loin de nous, et même à plus petite taille et sur de l'invisible, ça peut avoir un impact visible sur les organismes plus gros qui vont régir finalement tout l'écosystème de l'océan global. Donc, se dire que c'est loin de nous, à mon avis, c'est un peu... un jugement trop rapide, et surtout ce serait bien pour une fois de se donner les moyens de savoir exactement quels seraient les impacts avant d'y aller. Nous ne sommes pas à l'heure du pétrole où nous avons commencé à exploiter sans soucier des impacts écologiques, mais on a la possibilité de connaître avant d'agir sans reproduire les erreurs du passé. Exactement. Dans quelques secondes, on retrouve Alexandra Delbou et la chronique Avec Science. Merci Nadine Lebris, merci Pierre-Antoine Descendiers. Merci. C'est la chronique Avec Science avec Alexandra Delbou. Comment la chimie peut nous servir à tracer l'ivoire des œuvres d'art? Si à présent, son exploitation est limitée pour ne pas encourager le braconnage, l'humain façonne depuis toujours des œuvres en ivoire. Parmi les plus anciennes sculptures, on retrouve les Vénus paléolithiques, dont la Dame de Brassempouy, une petite figurine féminine faite à partir de l'ivoire de mammouth. Et c'est justement l'origine de l'ivoire qui nous intéresse ici. Savoir à quelle espèce il appartient permet d'en apprendre plus sur l'œuvre en question. Caroline Tokarski est professeure à l'Université de Bordeaux et dernière autrice de cette étude parue dans Science Advances. Retracer l'histoire des œuvres d'art, c'est comprendre en fait les symboliques, les liens avec les cultures. Ça nous permet aussi de comprendre l'approvisionnement en matériaux de certaines cultures et peut-être même les commerces et les échanges de différents matériaux pour des périodes données. Ça nous aide aussi à avoir un aperçu du processus de création en fait d'un objet, quand c'est des mélanges justement d'ivoire de différentes espèces. Et ça peut également donner des informations sur les pratiques des sociétés, en fait, de manière un petit peu plus large, comme des objets en ivoire de baleine, en fait, c'était très fortement aussi en lien avec leur vie de tous les jours, qui était tournée vers la mer, en fait. Donc l'identification des espèces biologiques d'ivoire, les techniques principalement employées sont morphologiques, c'est des techniques qui sont visuelles. et également les techniques ADN, donc qui sont par contre très consommatrices en échantillons et elles vont fortement impacter les objets lors des prélèvements. D'un côté, les techniques de séquençage d'ADN sont efficaces, mais trop gourmandes en matériel. De l'autre, les méthodes par observation des stries de l'ivoire, appelées les lignes de Schrager, peuvent renseigner sur l'origine de l'espèce sans être invasives, mais elles ne sont pas assez précises et sont même inutilisables lorsque l'objet a été trop poli. Alors, dans cette nouvelle étude, ces scientifiques proposent d'avoir recours à la protéomique, et donc à l'étude des protéines de l'ivoire, en l'occurrence des collagènes. Vous en avez aussi sous votre derme, ce sont des longues fibres qui permettent de soutenir la peau. Et elles se trouvent aussi dans les cheveux, les ongles, les dents, les cornes et donc aussi dans l'ivoire et dans les os. L'enjeu, c'est de pouvoir retrouver à qui appartient le collagène de chaque pièce d'art. Pour cela, il suffit de récupérer un tout petit peu de poussière. Avec un papier abrasif, quelques nanogrammes suffisent. L'échantillon est ensuite soumis à l'analyse par spectrométrie de masse, une technique qui permet de couper n'importe quelle protéine en tout petits bouts pour savoir de quel acide aminé elle est constituée. C'est finalement un peu comme du séquençage de l'ADN, mais avec des protéines et beaucoup moins d'échantillons. Résultat, en élucidant la séquence du collagène, on peut dire s'il appartient à un éléphant ou à un hippopotame, et tout se joue à quelque acide aminé près. Ces protéines, en fait, elles ont des séquences qui sont très similaires d'une espèce à l'autre. Notre étude, elle a vraiment consisté à aller rechercher ces différences, en fait, d'acides aminés par le séquençage des protéines. C'est-à-dire que les mesures, en fait, qu'on a effectuées ont permis de reconstruire les séquences par la mesure de leur masse moléculaire et puis d'identifier, en fait, les espèces biologiques par ces différences, par quelques acides aminés sur la séquence totale des protéines. Donc, ce qui nous a permis de différencier, par exemple, des espèces, des collagènes de cachalot par rapport à de l'hippopotame ou de l'éléphant. Pour nous, on a été d'abord extrêmement heureux de réussir à partir des très faibles quantités d'échantillons, de pouvoir mettre en évidence des espèces biologiques. Et voilà, on a pu confirmer, il y avait une petite amulette en forme d'hippopotame. Voilà, on a pu justement confirmer que l'origine biologique de l'ivoire utilisé était de l'hippopotame. Et voilà, c'était une des questions des conservateurs qui se posaient la question si l'éléphant avait pu être utilisé dans ce cas-là. Une banque de données protéomiques a donc été créée à partir des collections du Muséum américain d'histoire naturelle à New York et de nombreuses œuvres du MET, le Metropolitan Museum of Art, ont été analysées par cette technique. La suite, c'est de pouvoir standardiser cette méthode micro-invasive pour la rendre encore plus rapide. L'autre perspective, c'est le contrôle des trafics d'ivoire pour différencier un ivoire interdit, comme celui de l'éléphant, d'un ivoire soumis à un marché réglementé, comme celui de l'hippopotame. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Alexandre Morales, Bruno Sansini, Antoine Beauchamp. À la réalisation, Olivier Bétard. À la technique aujourd'hui, Dalia. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.